Chapitre 14. Ewilan, lorsqu'elle a dessiné le sabre d'Edwin, a eu la bonne idée de lui placer entre les mains et non de le ficher dans un rocher jusqu'à la garde. C'est peut-être moins romantique, mais sacrément plus pratique. Auteur inconnu. La nuit était là. Un feu brillant lançait ses flammes vives vers les étoiles. Les compagnons étaient réunis autour de sa lumière et de sa chaleur. Ils avaient rapidement regagné la cuvette où ils avaient laissé leurs chevaux, comme si le succès leur avait donné des ailes. Artis Valpierre avait aidé la nature avec son art, et leurs blessures n'étaient plus que des souvenirs. Bjorn et Maniel s'étaient chargés, en chemin, d'une quantité de bois suffisante pour bivouaquer une semaine, et en arrivant, Camille avait été accueillie par les hennissements d'aquarelle, ravie de la retrouver. Chiam avait préparé un succulent repas qu'ils engloutissaient en relatant ce qu'ils venaient de vivre. « Assez parlé de moi !» s'exclama Camille. « À vous maintenant !» Bjorn se racla la gorge. « Pour nous » commença-t-il sans se faire prier. « Tout s'est bien passé. Surprenant, non ? À vrai dire, j'étais persuadée que nous ne survivrions pas à ce coup-là. Les raïs sont arrivés sur nous à travers les arbres, comme des sauvages. Un raz-de-marée vraiment effrayant. Mais Chiam est entré dans la danse. » Le chevalier s'arrêta une seconde pour poser la main sur l'épaule du Faël. « Edwin ou Elana sont d'excellents tireurs, » reprit-il. « Mais ces deux-là réunis ne valent pas un clou à côté de notre ami ici présent. Il en a aussi une bonne douzaine avec ses flèches. Pourtant, ils arrivaient vite. » Ensuite, Maniel et moi avons pris la relève en finesse comme d'habitude, bien que le coutelas de Chiam n'ait pas chômé. Les raïs étaient si nombreux qu'ils se poussaient sous nos lames. J'avoue que ça faisait un peu désordre. Une fois que le paquet a été éclairci, le problème est devenu sérieux. Nous commencions à fatiguer tandis que les raïs avaient plus d'espace pour se déplacer. J'ai cru que c'en était fini de nous. Soudain, le ciel s'est obscurci. Une masse énorme est tombée sur les raïs. L'enfer s'est déchaîné et tout a été fini. Ils ont été calcinés. Nous avons juste vu un animal gigantesque s'envoler vers le sud. Quand vous êtes arrivés, nous nous demandions ce que ça pouvait bien être. Voilà. Il y eut un silence qui se prolongea, comme si chacun, après l'enthousiasme provoqué par la victoire et les retrouvailles, avait envie de profiter d'une joie plus calme. Étrangement, ce fut Maniel qui parla le premier. « Et maintenant ?» demanda-t-il sans s'adresser à quelqu'un en particulier. Pendant un long moment, seuls les craquements du feu lui répondirent, puis Artis se lança. « Je vais gagner Tintian, au sud d'Astariul. Nous avons une confrérie là-bas et j'ai encore beaucoup à apprendre. Je t'accompagnerai si tu es d'accord, » proposa Chiam vite. Je me toujours promettre de découvrir Ombreuse, nous faire la route ensemble, et lorsque tu retrouvais tes frères, je continuais vers la forêt maudite. Les visages se tournèrent vers Bjorn, qui haussa les épaules. J'ai promis à Maniel un séjour dans la ferme de mes grands-parents. C'est là que nous irons lorsque nous aurons donné un coup de main à l'armée impériale pour bouter les raïs hors de Gwendalavir et leur enlever l'envie d'y remettre les pieds. Je suppose que tu en feras autant, Edwin. Non, répondit ce dernier. La libération des sentinelles remet nos dessinateurs en jeu, et la guerre contre les raïs va totalement changer de visage. La victoire est à notre portée. Toutefois, je ne participerai pas au dernier combat. Avant de quitter Aljet, je me suis entendue avec l'Empereur. Mon rôle est ailleurs. Et Willan a rempli sa mission, mais sa quête n'est pas achevée. J'ai fait une promesse et il est hors de question que je ne la tienne pas. Je continue avec elle. » Tous les regards se braquèrent sur Camille et elle sourit tristement. « Vous m'êtes si chère, » souffla-t-elle. « Je n'ai pas envie que nous nous quittions. Chacun de nous va pourtant partir de son côté, mais je suis certaine qu'un jour prochain, nous serons de nouveau réunis. Pour l'instant, j'ai des comptes à régler avec une certaine Eleharil Morienval. Toute sentinelle qu'elle soit, elle a trahi mes parents. Et je veux savoir ce qu'ils sont devenus. Edwin a raison, ma quête n'est pas finie. J'avais Eléa à portée de main, mais j'ai dû la laisser filer. Il me reste à dénicher l'endroit où elle s'est rendue, et je crains que ce ne soit pas facile. » Maître Douaume lui tapota le genou. « Ne t'inquiète pas pour ça. la rassura-t-il. Je sais exactement où elle se trouve. Devant l'air surpris de Camille, il expliqua. Le verrou de Slish a sauté. Les spires sont libres. Et... Déjà ? L'interrompit Salim. Je n'ai rien vu, rien entendu. Je m'attendais à une représentation son et lumière ou au moins à un feu d'artifice. Crois-moi, ça a fait du boucan. Nos dessinateurs se sont précipités dans les spires à l'instant précis où le verrou a sauté. Et je peux t'assurer que les rails sont eu chaud aux fesses. L'expression tira un sourire à Salim, qui parut tout de même déçu. C'est injuste, protesta-t-il. Ça fait des jours et des jours qu'on se démène et qu'on risque notre peau. J'aurais aimé profiter du spectacle. Camille laissa échapper un soupir d'agacement. Nous ne sommes pas dans un film, Salim. Et je te signale que Maître Duhaume était en train de me parler d'Eléa Rilmorienval. Est-ce que je peux l'écouter jusqu'au bout ou as-tu l'intention de monopoliser la parole ? Salim ouvrit la bouche pour répliquer, mais Bjorn posa sa grosse patte sur son épaule. « Tu devrais te taire, » lui conseilla-t-il, « ou tu vas obtenir ton feu d'artifice, si tu vois ce que je veux dire. » Salim observa le chevalier, puis Camille, qui n'avait pas l'air de plaisanter. « Parfait, » capitula-t-il. « Le verrou de Slish a sauté, ça a fait autant de bruit qu'un pétard mouillé, mais je m'en fiche. » Où en étiez-vous avant que je ne monopolise la parole ? L'analyste ne put retenir un petit rire qui devint vite général. Lorsque tout le monde fut calmé, il reprit. L'ouverture des spires a permis à nos dessinateurs de se jeter dans la bataille, mais elle a aussi restauré le système de communication de l'Empire. Les informations circulent à nouveau, et en tant que maître analyste, je suis une plaque tournante des échanges à l'Avirien. Actuellement, Eléa Rilmorienval se trouve avec les autres dans la citadelle des frontaliers. Les sentinelles ont fait un pas sur le côté. Elles rattrapent le temps perdu en menant la vie dure à l'armée rail. Un message m'en a informé il y a moins d'une heure. « Je pars donc pour la citadelle », déclara Camille. « Excellente idée », sourit Edwin. « Je ne suis pas rentrée chez moi depuis des années. » Salim se frotta les mains. « Il me tarde de voir ça », lança-t-il. Non. Elana avait parlé gentiment, presque à voix basse, mais ses traits reflétaient une grande détermination. Je suis navrée, Salim. Tu t'es engagée en prêtant un serment qui ne tolère pas qu'on l'oublie. Tu me dois 3 ans de ta vie, tu te souviens ? Sans possibilité de changer d'avis ou même de discuter. Demain, quand nous partirons, ce ne sera pas pour la citadelle. Il y eut un long silence. Que Camille finit par briser. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Elana la regarda avec compassion. Non, je suis sérieuse. Très sérieuse. Tu n'as pas sauvé 3 fois la vie d'Edwin. Tu ne peux pas partir, tenta d'argumenter Camille. C'est vrai, tu as raison. Ce diable d'homme n'est pas facile à aider. Mais écoute-moi et essaie de me comprendre, la coupa Elana. Je suis prise en étau entre 2 promesses, et la situation ne peut se prolonger davantage. Je dois choisir. Jusqu'à présent, la priorité était de t'épauler dans ta mission, ce qui m'a permis de joindre plaisir et devoir. Aujourd'hui, les sentinelles sont libres. Je dois penser à ma guilde et à mes obligations envers elle. Mes engagements personnels passent après. Je reviendrai tenir mon serment. Il ne peut en être autrement, mais je pars demain, et Salim m'accompagne.